Notre communication va porter sur l'iconographie de la marquise de Maintenon. Donc, comment a-t-on représenté la marquise de Maintenon au XVIIe siècle ? Disons-le d'emblée, et ça sera peut-être une déception, nous conservons assez peu de portraits sûrs de la marquise. Beaucoup d'œuvres ont été identifiées au cours du temps, souvent à tort, comme des portraits de la marquise de Maintenon. Mais en vérité, le nombre de portraits sûrement réalisés du vivant de la marquise est extrêmement réduit. Donc un petit nombre d'œuvres par rapport à la renommée qui fut la sienne. Donc dans le cadre de cette communication qui ne doit pas excéder 30 minutes, nous nous sommes concentrés sur les œuvres dont l'authenticité est confortée par leur historique, donc par une provenance plus ou moins sûre, des œuvres dont l'historique est attesté par d'autres sources, des œuvres qui sont mentionnées par les textes et la gravure. Donc, c'est-à-dire que pour toutes les œuvres, on n'aura pas le temps, je le dis tout de suite, d'aborder toutes les œuvres plus ou moins problématiques, mais ce qui pourront faire l'objet de questions de votre part dans un second temps. Donc le portrait au XVIIe, c'est un genre qui est très codifié. Les peintres sont habitués à représenter donc souvent les membres de l'aristocratie. Et avec un personnage comme Madame de Maintenon, en fait, c'est un personnage qui met le peintre au défi. On a compris que le personnage de Madame de Maintenon est exceptionnel en son temps. Enfin, c'est une figure qui défie les codes. Et donc l'idée du peintre, c'est un personnage qui oblige le peintre à sortir du cadre habituel de la représentation en proposant des formules pour donner lieu à des iconographies tout à fait originales en matière de portraits féminins. On ne conserve pas malheureusement de portraits jeunes de Madame Scarron. C'est pas très courant de toute façon dans la première moitié du XVIIe siècle, dans les années 1650. Il est assez rare que les femmes de la bourgeoisie se fassent représenter. Hein. Le portrait à ce moment-là, c'est vraiment un genre qui est plutôt réservé à une certaine élite. Il commence à se diffuser. C'est un genre qui est diffusé d'abord, qui est destiné d'abord à l'aristocratie. Commence à se diffuser parmi la bourgeoisie, la haute bourgeoisie parlementaire qui est en quête de représentation. Mais les femmes dans ce carcan restent difficilement, enfin, ont du mal à s'insérer dans ce carcan de la représentation. Donc, la jeune Madame Scarron, qui aussi jolie a-t-elle pu être, dont la beauté était représentée, était célébrée par les contemporains, n'a probablement pas été représentée à l'époque de son mariage. Il n'y a pas eu de tableau, visiblement, qui ont été réalisés à l'époque du mariage avec Scarron. Alors, on mentionne quand même un portrait de Pierre Mignard, mais qui serait plus vraisemblablement un crayon, un dessin. Donc, en 1659, on nous indique que Mignard aurait réalisé pour Scarron un crayon de son épouse. Et dans ses poèmes, on voit Scarron remercier Mignard pour ce charmant crayon qui lui a été donné. Donc, absence qui est néanmoins palliée par les portraits que nous pouvons trouver dans la littérature. En 1661, Madame Scarron est célébrée à la fois sous le pseudonyme de Stratonis dans le dictionnaire des précieuses de Sommez elle a l'honneur également de figurer parmi la galerie de personnages de la Clélie Histoire romaine de Madame de Scudéry, donc sous le nom de Lyriane. Donc les commentaires de Sommez et de Madame de Scudéry se rapprochent, parlent d'une même voix de la beauté de Madame Scarron. Donc Sommez dit « elle a de la beauté, elle est d'une taille aisée ». Pour l'esprit, la voix publique en dit assez en sa faveur, et tous ceux qui la connaissent savent que c'est une des plus enjouées personnes d'Athènes. Donc évidemment, on a transposé l'élégante société parisienne dans la classique Athènes, dans le dictionnaire des précieuses de Sommez. Donc même écho chez Madame de Scudéry dans l'histoire romaine, dans Clélie Histoire romaine. Madame de Scudéry dit « elle était jeune, admirablement belle, fort bien faite ». Donc elle parle ensuite de la naissance de Madame Scarron. Elle se nommait Lyriane, elle est toi d'une naissance noble et la fortune ayant été contraire à ses parents, elle avait dès son enfance été emmenée par eux au fond de la Libye. Donc ce qui rappelle le voyage sous un travestissement, le voyage lointain de Madame Scarron aux Antilles dans son enfance, d'où elle était revenue si belle et si charmante qu'on ne pouvait presque rien lui comparer. Sans lui faire tort. Lyriane était grande, de belle taille, mais de cette grandeur qui n'épouvante point, qui sert seulement à la bonne mine. Elle avait le teint fort uni, fort beau, les cheveux d'un chantant clair et très agréable, le nez très bien fait, la bouche bien taillée, l'air noble, doux, enjoué et modeste, et pour rendre sa beauté plus parfaite et plus éclatante, elle avait les plus beaux yeux du monde. Donc ça, visiblement, c'est un caractère qui a beaucoup frappé les contemporains, c'est la beauté du regard de Madame Scarron, qui sera encore célébrée d'ailleurs très tard. On parle encore des très beaux yeux de Madame de Maintenon dans sa vieillesse. Venons-en en vif du sujet. Donc parmi les portraits qui semblent être à peu près sûrs, je vous propose ici de regarder à droite une effigie d'un portrait. C'est un portrait qui est conservé au château de Maintenon et dont l'authenticité est confortée par une gravure réalisée par le graveur Pierre Giffard en 1687, donc du vivant de la marquise. C'est ce qu'on appelle une gravure pour une thèse. Donc c'est une gravure qui a été réalisée à la demande d'un étudiant en droit pour la soutenance de sa thèse. Et cet étudiant en droit n'est pas n'importe qui dans l'entourage de la marquise. C'est un certain Leblanc de Noville qui en fait est un personnage important sur les terres de Maintenon. Donc il est originaire de Maintenon, il a probablement donc vu la marquise et il restera par la suite donc très impliqué dans le bailliage de Maintenon. Donc c'est un portrait connu sans doute par quelqu'un qui l'a vu, qui peut-être pas qu'il l'a fréquenté, mais qu'il l'a néanmoins vu. Donc l'authenticité de ce portrait ne semble pas faire de doute. Donc c'est l'image qui semble avoir été le plus déclinée à l'époque donc où Madame Scarron, devenue Madame de Maintenon, à l'époque de sa maturité, donc sans doute exécutée au début des années 1670. Elle doit avoir environ 35 ans. Et avant donc la réalisation des derniers portraits, donc celle où Sainte-Françoise romaine et le portrait de Ferdinand Hel, dont Élodie nous parlera tout à l'heure, c'est l'image de la marquise qui semble avoir été le plus diffusée. Donc elle nous regarde, elle nous tourne le dos, donc le peintre a cherché à donner une attitude élégante et spontanée à cette effigie devant un beau paysage. Il a été décliné en de multiples copies, donc voici le portrait de Maintenon à gauche, un portrait à côté qui est conservé au château de Chambord, donc de qualité qui semble légèrement plus moyenne. Le portrait un portrait qui est conservé à Stockholm, donc il se trouve dans les collections du musée de Stockholm depuis le 18e siècle au moins. On voit déjà que la qualité se dégrader sensiblement d'une version à l'autre. Néanmoins, ce qui est un détail intéressant à noter, c'est que les couleurs de la robe ne changent pas, donc ce qui veut dire que les portraits ont été réalisés d'après un même original, ou tout du moins d'après des peintures et non pas d'après des gravures, parce que les gravures ne transcrivent pas la couleur des vêtements. Donc on peut imaginer qu'ils dérivent tous du même original. Donc encore deux autres portraits qui dérivent de ce modèle, donc dont l'influence semble avoir été prépondérante donc à l'époque de la maturité, quand Madame de Maintenon a 35 ans. On peut se rapprocher également de cet ensemble, le portrait de Niort, portrait de Madame de Maintenon réalisé vers 1675, sans doute vers 1580, qui présente visiblement le même personnage. On retrouve bien les traits, le nez aquilin, la bouche charnue, le petit menton rond et surtout ce regard d'une profondeur pénétrante. Elle est représentée ici dans un autre cadre que celui du portrait précédent. Tenant le portrait est ici mis en scène. Le modèle est représenté devant une colonne qui, dans le code allégorique, symbolise la force, et tenant à la main une perle. Alors, on a suggéré de voir ici une représentation à Cléopâtre, ce qui est un petit peu abusif. C'est peut-être plutôt donc, pour célébrer la force et le caractère unique, la beauté de la marquise, qui est peut-être donc considérée par une perle comme ses contemporains, qu'il faut sans doute relire ce portrait. Donc cette effigie a une provenance, c'est un tableau qui visiblement se trouvait à Niort avant la Révolution, donc peut-être resté dans la famille de Navailles, de Baudéang, donc les gouverneurs de Niort, à l'époque de Madame de Maintenon, auquel elle était très intimement liée, puisque Madame de Navailles était la marraine de Madame de Maintenon. Donc, il n'est pas étonnant que des membres de sa famille aient eu la volonté de conserver un portrait de la marquise par de Véreux. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Élodie, qui va vous parler de ce portrait donc en gouvernante. Alors, ce portrait, ou même plutôt cette série de portraits, puisque nous avons ici affaire à une œuvre qui est connue en 4 versions au moins, et 2 réductions. La version attestant de l'authentification est conservée au château de Maintenon, et elle provient de la nièce de Madame de Maintenon, Françoise d'Aubigné, par son mariage duchesse de Noailles. Donc, c'est un portrait historié des années 1670, 1675 sans aucun doute, qui est sans doute l'œuvre d'un portraitiste non identifié à ce jour. Vous noterez notamment le soin des visages, et un paysage et un agneau un peu plus simplifié. Et j'attire votre attention sur toute cette série sur le nombre des enfants. Donc ici, c'est la seule version où nous n'avons que 2 enfants. Deuxième version connue, une version qui se trouve en collection particulière, qui proviendrait de la famille royale. Les visages sont plus individualisés, un peu moins figés. Et vous noterez de l'apparition dans le ciel de 2 enfants de plus. Troisième version, les portraits du XVIIe siècle sont souvent des archipels, vous en avez plusieurs. Donc une version qui se trouve sur le marché de l'art, qui est passée à Drouot il y a une dizaine d'années, qui dérive très clairement des 2 autres, hein, qui est peut-être un peu plus tardive. C'est sans doute pas la version prime, et qui est toutefois sur des dimensions assez semblables aux autres, donc environ un mètre de haut. Dernière version, conservée à Mâcon, 2 photos d'une qualité un peu inégale, je m'en excuse, mais qui vous permet, la deuxième vous permet notamment d'avoir une idée de la façon dont est peint le tableau. C'est clairement une main différente, plus décorative, qui prend une certaine liberté avec à la fois le décor, les fleurs. Et donc, nous avons ici 4 enfants. Enfin, il y a 2 petites réductions qui sont conservées à quelques mètres d'ici au musée Lambinet, où nous n'avons cette fois que les enfants, et qui sont des petits tableaux peints sur bois avec un niveau de finition plutôt très joli, comme vous le voyez. Donc, vous l'aurez compris, ces tableaux représentent bien évidemment Madame de Maintenon avec les enfants, qui n'est pas encore Madame de Maintenon, avec les enfants du roi et de Madame de Montespan. L'œuvre, si on considère que celle-ci est la première, les œuvres ont sans doute été peintes à la suite de la légitimation des enfants illégitimes de Louis XIV, le 20 décembre 1173. Et donc, nous avons ici le duc du Maine, qui est né en mars 1170, le comte de Vexin, qui est né en juin 1172, et les petits-enfants dans le ciel ne sont pas des enfants morts. Voilà, on voit toujours dans les portraits historiés des petits-enfants avec des ailes, on se dit qu'ils sont morts. Non, pas nécessairement. Je rappelle que sur le grand portrait de Jean Nocray, qui représente la famille royale dans l'Olympe, le dauphin, qui est parfaitement vivant, a les plus jolies petites ailes du monde. Donc, ces deux enfants sont, selon toute vraisemblance, les filles du roi et de la marquise de Montespan, donc Mademoiselle de Nantes et Mademoiselle de Tours, qui ont été rajoutées par la suite, donc sur les versions suivantes, et qui sont nées respectivement en 1673 et 1674. Et donc, pourquoi ces petites filles ont-elles des ailes? Parce qu'il s'agit d'un portrait historié, et d'un portrait historié de la catégorie qui peut aujourd'hui nous sembler la plus étrange. C'est un portrait historié en costume religieux. Et nous avons ici affaire à Madame de Maintenon, en vierge, avec sur les genoux le petit comte de Vexin en enfant Jésus, et le petit duc du Maine en Saint-Jean-Baptiste. Vous reconnaîtrez bien sûr les attributs caractéristiques de ces figures, à la fois donc le fait que Madame de Maintenon porte les couleurs mariales, le bleu, le rouge, on aime bien mettre du jaune aussi sur les vierges à l'enfant au XVIIe siècle, que donc les attributs du du petit comte de Vexin sont plus légèrement soulignés, mais néanmoins, donc, il est en blanc. Et le petit duc du Maine tient donc l'agneau entre les mains, est revêtu de la peau de bête, et porte donc la croix avec le message « Ecce Agnus Dei ». Donc, cette iconographie tout à fait singulière reflète bien évidemment la difficulté du peintre à représenter une situation tout aussi singulière, puisque donc les enfants viennent d'être légitimés, mais officiellement, ils n'ont pas de mère. On a créé donc un précédent avec le bâtard de Longueville pour justifier le fait que les enfants du roi vont être légitimés sans que leur mère soit nommée. Et on peut se demander donc dans quelle mesure cette iconographie est singulière pour l'époque. Alors le portrait historien en costume religieux, ça existe, hein, c'est plus rare que le portrait historien mythologique. On peut en distinguer deux catégories, le portrait historien en costume de saint et notamment du saint patron, et Françoise d'Aubigné le fera, et le portrait donc historien en vierge ou en sainte Anne, qui est beaucoup plus rare. On en connaît néanmoins quelques exemples. Ça, c'est donc un tableau de Elle qui représente Anne de Melun et sa nièce, qui est intéressant parce que vous voyez que c'est donc sainte Anne éduquant la vierge, mais la sainte Anne ici n'est pas la mère de l'enfant. C'est une chanoinesse qui est revenue dans le monde pour élever cette petite fille. Et le précédent, surtout, auquel les contemporains pensent sans aucun doute, c'est ce tableau qui est diffusé en de très nombreux exemplaires. Versailles en a deux. Vous avez à l'écran la version de Niort, où donc Anne d'Autriche, Marie-Thérèse et le Dauphin apparaissent très discrètement en sainte famille. Et si vous aviez le moindre doute, je vous présente cette version qui se trouvait donc récemment sur le marché de l'art espagnol et donc qui permet de voir le précédent. Donc une iconographie assez rare qui insiste bien évidemment sur la piété du modèle et sur le fait que Madame de Maintenon fait une bonne action en élevant ses enfants qui ne sont pas les siens, en occultant le fait que ce sont des enfants illégitimes. Donc ces tableaux sont d'un intérêt tout particulier pour l'iconographie de Madame de Maintenon et gagneraient sans aucun doute à être encore plus connus. Voilà, venons-en maintenant à un tableau que vous commencez à connaître bien aujourd'hui puisqu'il fait l'affiche du colloque. Donc ce portrait qui est moins bien connu que les autres c'est bien qu'on puisse le voir lors de son exposition prochaine à Versailles. C'est un portrait plus difficilement accessible, conservé en collection particulière. Donc là, visiblement, il est resté chez les descendants de la famille d'Audicourt. Donc bonne d'Audicourt, amie intime de Madame de Maintenon et de Madame de Montespan, qu'elle avait rencontrée dans l'entourage du maréchal d'Albret dans sa jeunesse à l'époque où elle n'était encore que Madame Scarron. Donc c'est un portrait qui, par sa provenance, semble on a une provenance donc assez ancienne qui mentionne Madame de Maintenon et Madame d'Audicourt, enfin Françoise d'Aubigné en tout cas, et Madame d'Audicourt comme les modèles de cette œuvre. Donc l'iconographie est assez étonnante. Hein. Que voit-on ? On voit un petit amour regardant en direction de ces belles jeunes femmes. Et donc la femme, celle qui est à gauche, indique à l'amour donc, de ne pas la privilégier et de plutôt envoyer sa flèche en direction de Bonne d'Audicourt. Alors on a suggéré de rapprocher cette iconographie du mariage. Pardon, je vais un peu trop vite. Du mariage de Bonne d'Audicourt avec Sublé, et on a vu le rôle que Madame de Maintenon avait pu jouer auprès du maréchal d'Albret pour le mariage de cette nièce, donc le mariage de son amie Bonne d'Audicourt. En réalité, je ne sais pas s'il faut conserver cette datation. Stylistiquement, en fait, le portrait pourrait peut-être se situer un petit peu plus tard, début des années 70. Et dans ce cas-là, on peut se demander si l'iconographie ne ferait pas plutôt référence au retour en grâce de Bonne d'Audicourt. En effet, Madame de Maintenon, alors qu'elle est encore Madame Scarron, on voit qu'elle se donne beaucoup de mal pour le mariage de Bonne d'Audicourt, mais on ne comprendrait pas très bien pourquoi on lui ferait l'honneur de figurer sur un tableau, alors que comme on l'a vu, elle est encore une bourgeoise, elle est encore Madame Scarron, et dans la hiérarchie sociale, elle a un rôle très subalterne en fait, à celui de Bonne d'Audicourt, toute bonne amie qu'elle soit. En 1673-1674, les choses ont bien changé. C'est grâce à l'intervention de Madame de Maintenon que Bonne de Dicourt va pouvoir revenir à la cour après une disgrâce qui aura duré 2 ans. En effet, en 1671, l'indiscrète Bonne de Dicourt avait révélé les secrets de la relation de Louis XIV et de Madame de Montespan pendant sa correspondance. Évidemment, le cabinet noir du roi qui se saisissait des lettres avait tout de suite intercepté cette correspondance compromettante et Louis XIV avait juré de ne plus revoir de sa vie Bonne de Dicourt. Et donc, au bout de quelques années, donc, Madame de Maintenon réussit à négocier ce retour en grâce. Bonne de Dicourt sait pertinemment que c'est à elle seule qu'elle doit ce retour en grâce. Donc, on peut se demander ici si l'amour ne suggérerait pas, plutôt qu'une allusion au mariage, serait un retour en fait de l'amour de la cour, entre guillemets, de l'amour du roi, donc de la pauvre bonne qui avait été exilée pendant quelques années. Concernant l'attribution de l'œuvre, elle est extrêmement intéressante. Comme beaucoup de portraits du 17e, malheureusement, on a beaucoup d'œuvres anonymes hein, qui sont encore en quête d'auteur. Ici, on a proposé de rapprocher le tableau du pinceau de Pierre Mignard, ou en tout cas de son entourage. On peut se demander si on ne peut pas, dans l'entourage de Mignard, évoquer un nom comme celui d'Henri Gascard, peintre portraitiste, qui va se spécialiser dans la représentation d'élégantes. Je vous montre ici un portrait de Madame de Montespan, réalisé sans doute probablement aussi par cet Henri Gascard, donc, qui est conservé à Versailles. On va retrouver exactement le même petit ange, la pose légèrement alanguie du modèle, les traits idéalisés, on est ici dans une même ambiance. Autre comparaison possible, donc un portrait qui est dans une collection particulière, où on retrouve donc toujours ces poses un petit peu stéréotypées et un arrière-plan constitué donc d'un paysage évoquant un paysage frais, donc un paysage un peu idyllique, et un rideau. Donc ce sont les mêmes dispositifs que l'on retrouve ici dans ce portrait de Bonne de Pont et de Françoise d'Aubigné. Donc c'est une iconographie extrêmement séduisante, hein. Ce serait l'un des portraits, avec ce qu'on a déjà vu, l'un des portraits les plus précoces de la marquise. Donc l'identification semble pouvoir être corroborée par la comparaison avec les autres portraits connus. Donc l'émail, le célèbre émail de Jean Petitot, qui dérive de la même série qu'on a vu tout à l'heure. Donc on retrouve le même nez aquilin, la même petite bouche charnue, le regard profond, même caractéristique commune avec le portrait de Niort. Et enfin, on peut encore comparer cette ressemblance avec le portrait plus tardif en Sainte-Françoise romaine, où on voit exactement le même dessin de l'arête du nez, la narine et donc la bouche. Donc la comparaison semble en tout cas pouvoir être bien établie. Voilà, donc pour les portraits plus tardifs, alors Madame de Maintenon était quelqu'un qui détestait se faire peindre visiblement. Elle se fait prier par les dames de Saint-Cyr en particulier, pour avoir son effigie. Et c'est dans ce cadre-là qu'intervient la commande d'un célèbre portrait qui est celui. Donc ce tableau que vous voyez à l'écran est particulièrement bien connu et particulièrement bien documenté. Il a un historique absolument irréprochable de Saint-Cyr ici même, donc depuis le XVIIe siècle. C'est un tableau qui est attribué par toutes les sources anciennes au peintre Louis L. dit Ferdinand. Donc L est son nom de famille, et comme c'est un nom d'origine flamande, et comme c'est un peu difficile à porter au quotidien, il se fait appeler Ferdinand comme son père et comme son fils après lui. Et donc Louis L. a reçu en 1688 la commande de ce portrait qui est à la fois un double défi pour l'histoire du portrait au XVIIe siècle et également particulièrement intéressant du point de vue historique tout court. Pourquoi un double défi ? Parce que non seulement il faut montrer la marquise, ce qui est quelque chose de pas évident, vous l'aurez noté, mais en plus il faut représenter la marquise en fondatrice de Saint-Cyr, ce qui est quelque chose d'assez problématique puisque Saint-Cyr à l'époque n'est pas un couvent. Il est de tradition que les reines de France fondent ou protègent des couvents, mais Madame de Maintenon n'est pas reine de France. Et donc ce tableau qui était destiné à la salle de communauté de l'établissement, donc à être exposé, à être montré, présente un certain nombre de difficultés. On ne sait pas de qui émane l'idée de faire poser avec la marquise sa nièce, qui s'appelle comme elle Françoise d'Aubigné, mais c'est la solution iconographique qui a été choisie par l'artiste pour avoir une œuvre, pour créer une œuvre qui est entre le portrait d'apparat et le portrait familial, ce qui lui permet donc également de faire les écho à toutes les jeunes filles à qui Saint-Cyr est destiné. La pose qui est assez lointaine, avec donc un fauteuil particulièrement luxueux, un piedmental particulièrement luxueux, donc cette pose un peu lointaine est compensée par le geste familier de la petite fille qui met sa main dans celle de sa tante, et également donc par sa présence même. Je passe assez rapidement sur le costume, qui fera l'objet d'une communication à part. Il est en fait assez difficile de savoir s'il s'agit du costume des Dames de Saint-Louis, qu'on ne connaît pas avant 1692, avant la transformation de Saint-Cyr en couvent, ou s'il s'agit de la robe de seconde dame d'Atour de la Dauphine, dont l'iconographie n'est pas absolument certaine non plus. Mais il s'agit dans tous les cas d'une robe liée à une fonction, ce qui permet là encore à Louis L. d'éviter la difficulté de savoir comment représenter, dans quelle robe de cour représenter Madame de Maintenon. Donc le tableau s'ouvre sur Saint-Cyr dans le lointain, et donc il parvient ainsi à se servir donc des codes du portrait d'apparat pour créer l'image très singulière d'une femme dont le statut l'est tout autant. Et si l'œuvre est particulièrement intéressante aussi du point de vue de l'histoire, c'est parce que Louis L. ne se contente pas d'avoir un nom un peu difficile à porter, et il appartient également à une famille de protestants, et des artistes qui sont protestants depuis leur arrivée en France au début du XVIIe siècle. Et vous l'aurez remarqué, le tableau a été donc commandé en 1688. La date est attestée aussi bien par les mémoires de ce qui s'est passé de plus remarquable depuis l'établissement de la maison de Saint-Cyr que par une lettre de Madame de Maintenon qui demande « Le croiriez-vous, je vais me faire peindre ?» Donc la date est certaine, et nous sommes 3 ans après la révocation de l'édit de Nantes. Et non seulement l'artiste est protestant, mais il est en plus à la tête d'une famille de peintres tout aussi protestants que lui. Et les 3 années qui viennent de s'écouler pour Louis L. N'ont absolument pas été tout repos, puisqu'il a fallu enfermer ses 2 filles dans un couvent. Son gendre a été expulsé du royaume. Il a réussi à récupérer une de ses filles qui, après le couvent, était partie en prison à Nantes, et elle s'est empressée de s'enfuir du royaume, ce qui est interdit, je le rappelle. Et son fils, Louis L. le Jeune, qui est aussi son héritier, à qui le tableau est parfois attribué à tort, son fils, Louis L. le Jeune, s'est converti après avoir reçu une lettre de cachet menaçant de l'enfermer à la Bastille. Donc on est dans un contexte un peu difficile. Tout cela s'interrompt, donc les événements continuent jusqu'à la fin de l'année 1685. Et donc voir Madame de Maintenon au début de l'été 1688 qui annonce qu'elle se fait peindre et qu'elle se fait peindre par Louis L., c'est quelque chose de tout à fait singulier qui permet donc de s'interroger sur les relations de Madame de Maintenon avec les protestants, qui n'ont été que assez peu abordées jusqu'ici. Donc plusieurs hypothèses possibles. Elle ne s'est bien sûr pas exprimée dans ses lettres, donc c'est un peu difficile de savoir exactement pourquoi elle a fait appel à se peindre. C'est peut-être tout simplement une récompense, parce que même si Louis L. Dit que, même s'ils sont totalement nicodémites, même si le clergé de Saint-Sulpice dit qu'ils ne vont pas à la messe, néanmoins, ces gens sont ouvertement, officiellement catholiques. C'est peut-être aussi une certaine compréhension de la part de quelqu'un dont la famille reste protestante. Philippe de Villette, le cousin de Madame de Maintenon, se convertit à peu près en même temps que Louis L. le père, et les Saint-Hermine résistent aussi pendant plusieurs années. Mais en tout cas, là, on a une étude de cas assez intéressante qui permet de voir que, contrairement à la légende noire qui est en train néanmoins de bien passer, Madame de Maintenon n'a pas été hostile aux protestants ou aux anciens protestants. Voilà. Et quelques années plus tard intervient la commande de ce célèbre portrait, donc l'un des chefs-d'œuvre de la vieillesse de Mignard, le portrait de Madame de Maintenon en Sainte-Françoise romaine, dont l'original est conservé ici même au château de Versailles. C'est une iconographie qui, comme la précédente, est tout à fait étonnante, il faut encore le souligner. Le personnage est représenté, Madame de Maintenon, dont sans doute en accord avec le peintre, a choisi de se faire représenter sous l'habit de sa sainte patronne, donc Sainte Françoise Romaine. Donc iconographie, encore une fois, qui détonne par rapport à l'habituelle représentation des favorites. On imaginerait plus volontiers une représentation sous les traits d'une déesse de la mythologie, mais là non, donc Madame de Maintenon opte sciemment pour une représentation donc sous le vêtement de sa sainte patronne. Mignard ici va poser sur les épaules de son célèbre modèle donc ce manteau d'hermine, ce manteau bordé d'hermine. Donc, qui a fait couler beaucoup d'encre, et notamment celle de Mademoiselle d'Aumale, qui raconte à son sujet une anecdote qui dit qu'un jour, posant lors d'une des séances de pose de la marquise pour Mignard, la fille de l'artiste qui était présente aurait posé la question au roi qui était venu assister à la séance de pose de si on pouvait mettre un manteau d'hermine à Sainte Françoise. Le roi aurait répondu à Mignard du tac au tac, Sainte Françoise le mérite bien. Donc c'est une jolie anecdote hein, qui synthétise très bien la position ambiguë que Madame de Maintenon pouvait avoir auprès du roi, donc reine sans être reine. Donc on l'a bien compris. Donc au-delà de la belle histoire, donc soulignons quand même que Mademoiselle d'Aumale n'est pas un témoin oculaire de cette anecdote qu'elle rapporte a posteriori, donc elle a peut-être enjolivé. Et ce détail intéressant, en fait, quand on a les dessins de Mignard hein, qui nous sont parvenus, ces dessins préparatoires qui sont conservés au Louvre, et en fait, on se rend compte, en regardant de près ces dessins préparatoires, alors peut-être que l'habile peintre a mis en scène cette flatterie de courtisans près de Louis XIV, mais en fait, on se rend compte qu'à un stade assez précoce, quand il met en place sa composition, il pense déjà à border le manteau d'hermine. Donc là, on voit donc la pose. Il hésite sur le placement de la main, sur la position d'un livre ou pas, sur la manière dont il va arranger le drapé autour de la chevelure. Et là, donc, on le voit réfléchir au costume, donc à la robe, à la manche. Et enfin, donc, il consacre un dessin préparatoire entier donc au positionnement de ce manteau d'hermine. Donc là, on voit en fait qu'à un stade très précoce, bien avant qu'il peigne, bien avant de passer au tableau, il réfléchit déjà en amont hein, à placer ce manteau d'hermine sur les épaules de son modèle. Donc ça fait partie visiblement de l'iconographie qui a été acceptée par le roi, par la marquise et par le peintre, une iconographie qui retranscrit à la perfection cette personnalité complexe de la marquise de Maintenon. Donc notons aussi, élément singulier, la présence d'un sablier auprès de la marquise. Le sablier, c'est le symbole du temps qui passe, c'est aussi celui de la jeunesse qui s'en va. On peut toujours voir, ce qui est assez étonnant chez cette femme, c'est la lucidité dont elle fait aussi preuve. Enfin, elle ne cherche pas du tout à se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas, mais un côté qui reste très pragmatique en fait dans cette représentation. Je passe malheureusement un petit peu rapidement sur ces détails. Là, on voit la reprise du manteau d'hermine, le joli détail de la manche dans ces dessins très picturaux, très coloristes de Mignard, réalisés à la sanguine, à la pierre noire et rehaussés de blanc, qui attestent de ce travail préparatoire du peintre. Alors, je crois qu'on aura malheureusement pas le temps d'évoquer la question de la présence de Madame de Maintenon dans les almanachs. On va peut-être faire défiler les images et Élodie dit rapidement quelques mots. Les almanachs, donc c'est une source assez intéressante pour la vie de cour et le positionnement des personnages dans la vie de cour. Il y en a environ eu 500 entre 1561 et 1716, et Madame de Maintenon apparaît dans 5 almanachs sur les 500, donc 1%. Il y en a deux qui sont particulièrement intéressants, c'est le suivant, qui est une édition spéciale almanachs sur les travaux à Maintenon, et il ne manque qu'une seule personne, c'est Madame de Maintenon, puisque la jeune femme que vous voyez à l'écran, c'est la dauphine, et cette dernière image qui pourrait être une belle image de conclusion, un almanach de Gérard Jolin qui est aussi le dernier almanach où apparaît Madame de Maintenon, et vous la voyez au premier plan, toute seule, de dos, en train d'assister à une revue militaire, donc dans un positionnement tout à fait singulier et tout à fait novateur pour l'époque. Voilà, donc pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que l'iconographie de Madame de Maintenon représente, comme je le disais en introduction, un défi pour le peintre qui représente une femme qui a eu deux mariages, mais deux mariages, donc le mariage avec Scarron, difficilement représentable, le mariage avec Louis XIV, n'en parlons pas, une femme qui se fait représenter avec des enfants qui ne sont pas les siens, et une femme qui se fait représenter comme une presque reine, comme une reine avec le manteau d'hermine, alors qu'elle n'en a pas officiellement le titre. Donc par rapport à tous les portraits féminins du XVIIe siècle qui nous sont parvenus, c'est vraiment une originalité qu'il faut souligner. Hein, c'est que normalement, les femmes au XVIIe se font représenter en tant qu'épouse, en tant que mère, mais rarement, en fait, on a quelqu'un qui se fait représenter pour soi, pour sa personnalité. Et là, donc, c'est ce qui fait l'originalité de cette iconographie, donc bien en accord avec la position un peu exceptionnelle, unique au monde, que célébraient les contemporains. Je reprends l'expression bien trouvée de Madame de Sévigné, donc qui a donné lieu à une iconographie tout à fait particulière.